Aujourd'hui, les Africains ne connaissent pas la Chine. Ils ne connaissent pas. Les jeunes qui sont au pouvoir ne savent pas, ils ne connaissent pas. Et c'est vraiment dommage. Pour eux et pour la Chine, mais ce n'est peut-être pas dommage pour tout le monde. Voilà ce que je peux dire. Je connais bien. Je sais où ils veulent en venir. Mais vous savez, Senghor a toujours dit que nous sommes liés à la France par le nombril. Si la France a du respect pour nous, je ne dis pas de la considération, je ne dis pas de l'estime, mais du respect pour nous, tout ira bien. Afrique Média, le monde, c'est nous.